Aucun fils de cœur à mon enterrement. Aucun fils de cœur à mon enterrement. Ils ne m'aiment pas, je les déteste tellement. Tous leurs matchs ressemblent à mes entraînements. Mon marchand de sable est un Touareg. J'écris bon enfoiré. Toute la journée, je gratte des verres comme une beurette dans une soirée. Et je brrr dans la Ciudad, je skate pendant toute la nuit. Piou piou dans la toundra. Et je skrrr dans la Bugatti. Ma vie nous gifle, mais on reste en vie. Comme le sage de DJ Marvin, maman Nangaï, maman a couffé. Je fais la loi comme si j'étais coffé. On me demande quoi de neuf, je me prends pour Raymond DeVos. J'ai plus rien multiplié par 3, ça fait rien de neuf. Ouais, mon négro, rien de neuf. Le quartier reste pareil. L'inflation ne change pas le prix de l'appareil. Comme Kathleen Jenner, on a grandi sans règle. Ici, les armes coulent. Et les larmes s'enrayent. Il faut que je parte d'ici. Faut que je fasse du bif. Je me rends compte que les années passent. Et que j'ai pas toute la vie. Pas toute la vie. Je veux tout de suite. J'ai pas toute la vie. Je rassure ma banquière en disant que je suis presque. Presque, c'est pas toute la vie. J'ai pas toute la vie. Aucun fils de cœur à mon enterrement. Aucun fils de cœur à mon enterrement. Smerlé à Oya et j'm'en veux tellement. D'avoir qu'un ta mère involontairement. Le bonheur c'est un peu cher. Mais l'argent ne fait pas le. Putain, j'pas épégère. Mais tu bif dans la Amex. Imanison ou Jaconel, par où sur le front, j'te drapeau japonais. Et je piou pendant ton coup de fil. Tu meurs au fontaine comme celui c'est fil. Repose en paix, fils de cœur. Et j'vais mal, mais j'suis ok. J'vais m'en sortir anyway. Cash ou cash, le beef ou beef. J'ai plus le temps d'attendre, j'le veux. L'Ecclésiaste, ou les paroles du sage, 8-11. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. On dit aussi que, parfois, pour punir les hommes, Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il m'a rendu service en me donnant ce que je voulais pas. Imani.